Le comité conjoint pour célébrer le 105e anniversaire de naissance du président Kim Il-sung vient d'être constitué. Le comité conjoint regroupe les représentants des formations politiques et sociales sous l'égide du Parti communiste de l'Union soviétique, notamment le Parti ouvrier communiste russe, le Parti communiste du Kirghizistan, le Parti des travailleurs communistes biélorusses, le Parti communiste azerbaïdjanais, l'Association russe pour l'amitié et la coopération culturelle avec la République populaire démocratique de Corée. À l'occasion du 15 avril, il organisera les cérémonies politiques et culturelles variées pour présenter la vie révolutionnaire sacrée et les exploits du président Kim Il-sung.